punk, le vermin m'a ramassé, en boîte j'y enfermé. C'est là que j'ai retrouvé mon ennemi Roger. Ensemble nous finirons dans le même jus de cuisson. Adieu mon cruel, dans la gamelle mon dernier.